La question également, je vous la renvoie. Comment comprendre ou alors comment expliquer ce survol de drones du côté de du Kremlin? Très bien. Il faudrait, avant de me lancer dans le débat, il faudrait signaler une information capitale avant même la violation de l'espace aérien russe des deux derniers jours. Il y a eu quand même une tentative aussi pratiquement d'assassinat qui a été rapportée par le journal allemand Bild. Il y a une semaine de cela, M. Poutine devait se rendre aux alentours, enfin sur la périphérie de Moscou, pour une visite de travail dans une zone industrielle. Il y avait un avion qui était chargé, enfin un drone, pardon, qui était chargé quand même de 17 kilos d'explosifs, qui avait justement atterri sur un terrain un peu vague, à peu près à 20 km du lieu où se trouvait M. Poutine. Donc, et cet attentat était justement revendiqué par Yuri Romanikov, un blogueur ukrainien qui assume ses liens avec les services secrets ukrainiens, qui, ma foi, ne cache pas son envie de liquider le président russe. À savoir que ce monsieur est quand même en train de graviter autour des cercles officiels des dirigeants ukrainiens, donc cela ne m'intrigue pas outre mesure. Donc, les deux drones qui ont survolé l'espace aérien, semble-t-il, d'après l'information de mon confrère, M. Bouquet, qui a nous donné des informations précieuses quant à l'endroit d'où ont été lancés les deux drones. Donc, c'est une bonne, très bonne information à prendre très au sérieux, a priori. Donc, on pourrait, dans ce cas-là, surtout valider la version russe, parce que ici, malheureusement, en Occident, comme toujours, même quand on tient un discours contraire aussi au leur, on est taxé automatiquement de complotistes. Alors que hier, ils ont eux-mêmes émis ce qu'on appelle une version complotiste de l'attaque qui a eu lieu au-dessus du Kremlin, au-dessus du dôme du Kremlin. À savoir que les journaux, enfin tous les médias occidentaux se sont précipité pour dire que c'était encore une fois une mise en scène de la Russie pour lancer une offensive de grande ampleur contre l'Ukraine. Alors que si on devait analyser les choses de près, il ne faut jamais oublier l'attentat qui a été perpétré contre Daria Dugin, la fille d'Alexandre Dugin. Il ne faut pas non plus oublier l'attentat qui a été commis contre Vladen Tatarsky, ce blogueur russe qui a été victime d'un attentat terroriste. Et puis, ma foi, il y a eu pas mal de tentatives contre les responsables. Et là, je confirme et je rejoins ce que disait tout à l'heure mon collègue, M. Bouquet. Et vous avez aussi Alexis Ponenkin, qui est un homme d'affaires russe en exil, qui travaille en étroite collaboration avec la CIA, qui a pris la tête de Poutine. La version russe, elle semble plus que jamais valide. Et maintenant, si on devait analyser les choses de très très près, ne serait-ce que plan politique, c'est que l'Ukraine avait lancé quelque part une mise en garde et surtout gâché la fête du 9 mai qui est programmée pour mardi prochain pour célébrer la victoire des Russes sur le nazisme. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même 27 millions à peu près de Russes qui ont péri lors de la Deuxième Guerre mondiale et que c'est eux les véritables, vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, contrairement à ce qui est répandu en Occident, à savoir que les Américains sont entrés tardivement sur la scène de la Deuxième Guerre mondiale et ils se sont octroyés quasiment cette victoire. Et ici en Occident, notamment ici en France, on parle du mai, on parle de ceci, débarquement, tout ça. Je n'y pas ce fait, il est vrai, mais toujours est-il que les Russes quand même ont payé un lourd tribut contre cette guerre. Et aujourd'hui, on voit bien que les Ukrainiens veulent gâcher cette fête. Je pense que c'est un pari perdu parce que les Russes ont quand même maintenu les festivités qui vont se dérouler. Ils vont même, je pense, se parader, ils vont faire la parade aérienne parce que l'année dernière, elle a été annulée. On ne sait pas pour quelle raison d'ailleurs. Et cette année, je pense qu'ils vont le faire, ne serait-ce que pour répondre aux Ukrainiens et notamment aux Américains. C'est voir que les Russes accusent les Américains d'être derrière cette tentative, justement, d'assassinat. Mais Ils savent pertinemment, on va dire, ils savent pertinemment que c'est beaucoup plus un signal qui a été envoyé aux Russes, parce que les Ukrainiens, ils ont aussi des services de renseignement, ils sont même renseignés par le biais des services secrets américains, ils savent pertinemment que Poutine n'est jamais au Kremlin. D'ailleurs, sa maison, enfin son lieu de résidence, il est situé à quelques kilomètres de Moscou, que personne ne connaît, mais pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Et ma foi, donc, c'est beaucoup plus justement de cette surenchère politique qui est en train de justement d'être mis à jour par ces Ukrainiens qui veulent à tout prix décourager, on va dire, les Russes et surtout leur faire ce qu'on appelle une guerre psychologique. Aujourd'hui, on voit bien que les Ukrainiens sont en train de perdre de plus en plus le monopole, on va dire, de la guerre et surtout le monopole de la position victimaire, parce qu'ils se posent toujours en position de victime. On voit bien que la réponse de Zelensky hier était beaucoup plus dans ce qu'on appelle le reniement total de ses engagements, parce que lui-même avait au début justement de cette guerre avait appelé à donc les Russes, en parlant des généraux et tout ça, à éliminer Poutine. C'est comme s'il était le seul à la tête de du système russe, qui est totalement ridicule. On voit bien que les Ukrainiens, encore une fois, essayent par tous les moyens, et qu'ils soient médiatiques, militaires, comme on l'a vu ces derniers jours, de faire balancer le rapport de force de leur côté. Alors que, ma foi, si on devait écoutez, Bloomberg, qui est quand même une agence d'information économique, qui avait tiré la sonnette d'alarme quant au stock d'armement américain qui arrive quasiment à épuisement. Donc, ils ont même repris en boucle une information, et surtout qui était adressée à l'endroit du Pentagone, l'état profond américain, comme quoi les Américains n'étaient pas prêts à mener une guerre sur deux fronts, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Bon, maintenant, on va attendre, sans transition aucune, je passe sur un autre volet, on va attendre maintenant la réponse de Poutine. Poutine va certainement répondre après le défilé du 9 mai. On voit bien que les Russes sont pratiquement en dehors des déclarations de Medvedev, qui avait donc appelé à donc liquider M. Zelensky et sa bande de nazis qui sont donc à la tête de Kiev. Et ma foi, donc on va attendre d'ici là que les Russes, ils vont certainement répondre. Ils prennent le temps. Les Russes, ce n'est pas un pays qui fonctionne, on va dire, il n'y a pas une réaction épidermique comme on parle ici chez nous. Les Russes sont beaucoup plus des stratèges. Ils essayent justement de cerner un peu les choses et surtout lancer une riposte qui soit subtil et surtout efficace. Et on va le voir très très bientôt, vous allez voir. Après le 9 mai, il y aura certainement une riposte. Elle n'est pas politique, elle sera forcément militaire. Merci pour votre intervention, Monsieur Tefosmin. Afrique Média, le monde, c'est nous.